إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on continue notre dars du livre, l'explication du livre de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith du Cheikh al-Imam Abu Uthman Ismail al-Sabouni. Et cet imam il continue dans le chapitre qu'on appelle علامات أهل البدع، les signes des gens de la bid'a. Comment on fait pour les reconnaître les gens de la bid'a? C'est quoi leurs caractéristiques? D'accord? Donc le cheikh il va nous expliquer ces points-là en détail, inshallah. Il dit: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم أي إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم لا يلقيه وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووسواس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Donc le cheikh il explique dans cette première partie de ce chapitre, dans ce premier paragraphe, il explique les signes des gens de bid'a, et parmi les signes des gens de bid'a, il dit que ces signes-là sont très apparents chez eux. Mais c'est des signes qui sont pas, c'est pas des choses cachées chez eux. Ça fait partie des signes qui sont apparents chez les gens de bid'a, et c'est les plus apparents parmi tous les signes qui distinguent les gens de bid'a, c'est du fait qu'ils détestent. Ils ont beaucoup de haine et c'est-à-dire ils détestent les gens qui transportent ou qui portent les informations ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du hadith, ils détestent les ulama du hadith et ils détestent les gens qui rapportent le hadith ou les ulama de Ahl Sunnah, ils les détestent et ils les méprisent et ils les dénigrent, ils les rabaissent et ils leur donnent des surnoms pour les dénigrer. Et parmi les surnoms qu'ils leur donnent, il y a le nom de Hashwiyya. Ça c'est un nom que les gens de Bid'a donnent aux gens qui suivent le hadith et qui rapportent le hadith et qui se basent sur le hadith, ou bien ils appellent jahala, des ignorants, ou bien zahiriya, souvent on entend ça aujourd'hui, critiquent les ulama, ils disent « Ah, vous prenez les textes dans leur sens apparent, vous êtes des gens qui prenez les textes d'une façon littérale, hein, vous comprenez pas le sens caché, ou bien vous comprenez pas l'esprit de l'islam, ou l'esprit du Coran, tu vois, on entend ça chez certains. Hein. » Également, on les appelle « al-mushabbiha », ils appellent des fois les ulama d'Ahl-Sunnah, les appellent « mushabbiha », hein, parce qu'ils prétendent que le fait qu'on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'on fait ressembler Allah à sa création, donc il nous appelle « mushabbiha ». Et donc le cheikh il dit qu'il nous traite de ces noms-là, et il dit ces choses-là, il nous déteste de cette façon, parce qu'il pense que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien à voir avec la science. Donc pour eux la science ça n'a pas rapport avec les hadiths. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre notre science ou notre connaissance ou notre aqida des hadiths. Ils ne respectent pas et ils ne prennent pas les hadiths. Ok? Et on sait qu'il y a des gens par exemple qui rejettent le hadith et qui prennent juste soi-disant du Coran. Ils pensent qu'on peut comprendre l'islam et qu'on peut suivre l'islam juste en suivant le Coran et en laissant le hadith. Et ça, bien entendu, c'est une contradiction. Parce que le Coran et la Sunna, ça va ensemble. Et le Coran nous ordonne de suivre l'exemple du prophète Mohammed, de suivre la Sunna. Donc, celui qui ne suit pas la Sunna, il n'a pas suivi le Coran. Il n'a pas suivi le Coran. Et en plus, tu ne peux pas savoir non plus comment faire la salat, comment faire le jeûne, comment faire le hajj, comment faire la zakat. Tous les détails de ces adorations-là sont mentionnés dans la sunna. Donc si tu ne suis pas la sunna et si tu rejettes la sunna, comment tu peux faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qu'il t'a ordonné de le faire? Donc si tu ne suis pas la sunna, tu n'as pas en fait aucun rapport avec l'islam. Et donc c'est ce que le cheikh explique ici. Puis en même temps il dit que les gens de Bid'a, eux, ils considèrent que qu'est-ce qui est le ilm pour eux? C'est quoi pour eux le ilm? Pour eux, le ilm, c'est en fait qu'est-ce que le shaitan leur jette, hein, qu'est-ce que le shaitan leur met dans la tête, hein, et les principes de soi-disant rationalité qu'ils ont développé avec leur raison, soi-disant, ou bien les soupirs que le shaitan met dans leur cœur ou dans leur poitrine, yani, qui sont en fait remplis de noirceur et de ténèbres, et tous les tentations, les désirs qu'ils peuvent avoir dans leur cœur qui en fait dénué de tout bien, parce que leurs cœurs sont remplis de corruption et de déviation. Et également ils se basent sur leurs paroles et leurs arguments qui sont en réalité fausses et qui sont en fait des choubouhats, qui sont nuls, qui n'ont aucun poids dans la balance de, si on les pèse et on voit qu'en réalité ils n'ont rien à voir avec la vérité. Et le cheikh il mentionne deux versets. Ensuite, il mentionne le verset dans Sourate Muhammad, le verset 23, qui dit « Ceux-là sont ceux que Allah a maudits. » Alors il les a rendus sourds et il a aveuglé leurs yeux. « Fa'asammahum wa a'ma absarahum. » Donc, ils n'entendent pas la vérité quand on les appelle à la vérité et ils ne voient pas la vérité quand on leur montre les signes. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 18 dans Surat al-Hajj qui dit وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ. Celui qu'Allah a humilié, personne ne peut l'annoblir ou personne ne peut l'élever. Et Allah il fait ce qu'il veut. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ. Donc c'est ça ce qui arrive, yani, quand quelqu'un décide de se rabaisser, personne ne peut, quand Allah rabaisse quelqu'un, personne ne peut l'élever. Et après, il mentionne des citations des salafs à ce sujet. Donc, il mentionne maintenant une citation de Ahmed ibn Sinan al-Qattan, qui dit, يقولوا ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Qu'est-ce qu'il dit Ahmed ibn Sinan al-Qattan? Il dit, il n'y a pas un mubtadi', quelqu'un qui fait des bid'a dans ce monde, excepté qu'il déteste les gens qui suivent le hadith, les gens du hadith. Et lorsque quelqu'un invente ou innove une bid'a dans la religion, eh ben, c'est comme si on retire la douceur de la sunna ou la douceur du hadith est enlevée de son cœur. Hein? Il ne goûte plus à la douceur du hadith. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, Yanni, dans les gens qui font des bid'ahs. Tu les vois, des fois, en train de pratiquer certains aspects de l'islam et tout, certaines parties de, même certains aspects, comme par exemple de la sunna, mais étant donné qu'ils aiment pas, étant donné qu'ils font des bid'ahs, ils aiment pas les hadiths. Et ils aiment pas les ulama de hadith. Hein? Quand tu les vois, par exemple, certains comme par exemple des frères qui sont avec Tablir, ou avec des soufis, ou bien avec d'autres jama'at, comme les Ikhwan, ou bien qui sont avec d'autres sectes, qui sont parmi des gens de bid'ah, tu les réfutes avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils détestent entendre ces hadiths-là. Hein? Ils détestent entendre les hadiths qui parlent de leur bid'ah et qui réfutent leur bid'ah. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ils détestent les gens de hadith. Parce que les gens de hadith, ils prennent tous les hadiths qui sont authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que, les gens de Ahl-Sunnah, ils prennent tous les hadiths, mais les gens de bid'ah, eux, quand ils trouvent un hadith qui défend leur bid'ah, ou qui défend une de leurs idées, ou de leurs principes, ils essaient de le prendre. Mais s'ils trouvent un hadith qui va contre leur idée, ou contre leur principe, ou contre leur bid'ah, et là, automatiquement, ils essaient de le rejeter puis de le déformer. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de hadith qui supporte leur bid'ah. Hein. Mais des fois, ils essaient de déformer le sens du hadith pour essayer de faire en sorte qu'il soit en accord avec leur bid'ah, et pour faire croire à quelqu'un qu'elle est en accord avec leur bid'ah. Mais qu'en fait, il n'y a pas aucune bid'ah qui est supportée par un hadith, parce que sinon ce ne serait pas une bid'ah. Hein. À la base, la définition d'une bid'ah, c'est quoi? C'est toute action, ou parole, ou chose qu'on fait dans la religion, qui n'a aucune référence dans le Coran, ni dans la Sunna. Hein. En fait, c'est quelque chose que quelqu'un a inventé, qui n'a aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a jamais fait, il n'a jamais incité à le faire. Hein? Et yani, ni les Sahaba ne l'ont jamais fait, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont des gens font dans la religion ou dans les règles de la religion ou dans les aspects de la charia, des gens qui inventent des trucs et qui n'ont aucune preuve à leur sujet. Donc ça, c'est ça les innovations, c'est ça les bid'ahs en fait. Ensuite, il mentionne une citation de l'imam. يهديكم الله ويصلح بالكم. إن مثلا سيتات الإمام أحمد عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل إلذي فقال له أحمد بن الحسين أحمد بن الحسين أدي الإمام أحمد إلذي يا أبا عبد الله اذكر لأبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث ذكروا لأبي قتيلة لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه بارك الله فيك ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. دونك c'est un rapport à propos de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Ahmad ibn al-Hassan lui a dit, « Oh Aba Abdillah », c'est-à-dire l'imam Ahmad, on a mentionné à Ibn Abi Qatila, lorsqu'il était à Mecca, on lui a mentionné les gens du hadith, les ulama du hadith, et il a répondu, « Les gens du hadith sont des gens mauvais. » Hein, sont des gens mauvais. Alors l'imam Ahmad s'est levé, et il a pris son vêtement, je sais pas s'il a déplié son vêtement, et il a dit zindiqun zindiqun zindiqun jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. C'est-à-dire zindiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme un hérétique, quelqu'un qui est comme un munafiq, hein. Donc c'est ça ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu que celui-là disait que les gens du hadith sont des gens mauvais. Eh bien, il a dit, c'est un zindiq, zindiq, zindiq. Hein? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui déteste les gens de hadith et qui dit qu'ils sont des gens mauvais, c'est parce que c'est quelqu'un qui est lui-même mauvais, hein, et qui ne connaît pas la valeur des gens de hadith. Ok? Et il y a une autre citation après qui dit « قال سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دونك لجان البدعة il déteste quand on... C'est ça ce que l'imam Abu Nasr ibn Salam il dit, il n'y a rien qui est plus lourd pour une personne qui fait des bid'ah parmi les gens de Ilhad et les gens de bid'ah, il n'y a rien de plus lourd pour eux que lorsqu'ils entendent quelqu'un mentionner le hadith avec la mention de l'isnad aussi. Hein? Et quand tu le rapportes le hadith et tu... Quand ils entendaient ça, ça les tuait les gens de bid'ah à cette époque. Parce que eux, ils arrivaient avec leurs idées. Ils arrivaient aux ulama pour débattre avec eux des idées, hein, des discussions, des débats avec les ulama. Donc ils arrivaient avec leur philosophie et tout ça. Oh, mais ce verset-là, comment ça philosophie avec le verset, comment ça philosophie avec le hadith? L'imam, il répondait, il dit, haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا تقول ساي سوكوف اه ساي بون اي كومونس ا نو سيتي دي حديث اون بو بلو ريان دي مينا ها باسكو سي الاسناد الوغ او ان بارل سان اسناد سان ريان سان حديث سان اوكين ريفيرونس اي اذا قال العلماء كومونس ا حدثنا حدثنا اخبرنا الامام كذا وكذا سبحان الله ابخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالي تشوي يعني. Et donc c'est ça que cet imam il nous dit, il n'y a rien de plus lourd pour les gens de bid'a que d'entendre la narration des hadiths avec l'isnad. Ok? Et après il dit, « وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَاكِمْ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا بَكْرَ أَحْمَدِ بْنِ إِسْحَاقِ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهِ وَهُوَ يُنَاظِرُ رَجُلًا فَقَالَ الشَّيْخَ أَبُو بَكْرَ حَدَّثَنَا فُلَانَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ دَعْنَا مِنْ حَدَّثَنَا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. Donc ça c'est une autre histoire à ce sujet là que يعني c'est que Al-Hakim a dit qu'il a entendu le Cheikh Abu Bakr Ahmed ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih qui discutait avec un homme. Alors, le Cheikh Abu Bakr a dit, un tel nous a dit, hein, haddathana fulan, c'est-à-dire un tel nous a dit. Parce que quand tu dis haddathana, ça veut dire il nous a raconté, hein, la personne, comme par exemple, haddathana Ahmed, c'est-à-dire Ahmed nous a raconté, nous a mentionné, hein, il nous a dit. Donc le cheikh il commençait à lui dire une isnad, à lui mentionner une isnad. Alors l'homme a dit, laisse-nous tranquille avec haddathana, hein, arrête de nous dire haddathana, jusqu'à quand tu vas nous dire haddathana? Alors le cheikh il a entendu ça, il a dit lève-toi au kafir, il a dit mécréant, lève-toi. Il ne t'est plus permis de rentrer dans ma maison après ce jour. Alors il s'est tourné vers les autres qui étaient là présents avec lui, et il leur a dit, je n'ai jamais dit à quiconque n'entre plus dans ma maison excepté à celui-là. Parce qu'il a rejeté le hadith, il a rejeté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, yani, quelqu'un qui dit ça, c'est comme s'il dit, laisse-moi tranquille avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est grave, yani. Mais c'était l'âme des ulama. Et c'est pour ça que l'imam, yani, Abdullah ibn al-Mubarak, comme on parlait de lui dans des cours passés, que c'était Amir al-Mu'minin fil hadith, et bien Abdullah ibn al-Mubarak, il dit, une de ses paroles célèbres, qui dit, al-isnad min ad-din, walaw la al-isnad, la qala man sha'a ma sha'a. L'isnad, ça fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de l'islam, s'il n'y avait pas d'islam, n'importe qui pouvait dire, n'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Mais grâce à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cet islam pour protéger cette religion, pour que tu saches de qui tu prends ta religion et que tu ne prennes pas ta religion de n'importe qui. Hein? Donc, alhamdoulilah que les ulama ont protégé l'islam grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ces ulama nous préservent l'islam grâce à cette méthode qui est al-isnad, c'est-à-dire les chaînes de narrateurs. Et après, le chef il dit « Sami'tu l'ustaz Aba Mansour Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرأ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة أو ناصبة. Donc ça c'est une autre des citations parmi les citations des salafs, et c'est l'imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Hanzali al-Razi. Il dit que parmi les signes des gens de Bid'a, c'est que tu vas les voir toujours attaquer les gens qui suivent al-Athar, c'est-à-dire qui suivent les narrations, qui suivent les textes des hadiths et les narrations qui ont été rapportées des sahaba. Donc al-athar c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit parmi les signes des anadika, les hérétiques, le signe de, pour les reconnaître c'est quoi? C'est que quand ils parlent des gens de al-athar, al-athar, ils les appellent des hachouilles, pour les dénigrer, pour les rabaisser. Mais ça c'est des gens qui suivent des bêtises, des stupidités, comme s'ils suivent le hadith et que le hadith c'est des stupidités pour eux. Ils refusent de prendre leur religion des hadiths. Donc ils les traitent de hachouïa. Et le cheikh il dit que, cet imam il dit qu'ils veulent par cela annuler le hadith, détruire le hadith. C'est ça ce qu'ils cherchent à faire. Ils ne veulent pas suivre les hadiths. Donc ils essaient de les attaquer et d'attaquer ceux qui portent le hadith, c'est-à-dire Ahlul Athar ou Ahlul Hadith. Après, il dit, وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ. Comment tu peux distinguer les qadariyah? C'est parce que quand il parle des gens d'Ahl al-Sunna, il les appelle Mujabbira. Ok? Oui, c'est ça. Il les appelle Jabriya. Donc, s'ils appellent Jabriya, les Jabriya c'est qui? Les Jabriya c'est. Les qadariyah c'est ceux qui nient le qadar. Oui. Les qadariyah disent, il n'y a pas de prédestination. Hein, l'être humain, il a une capacité et une volonté absolue. Tu peux faire quelque chose, même si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, tu peux le faire quand même. Des choses comme ça. Ça, c'est le qadariya. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, al-jabriya, c'est ceux qui nient que l'être humain a une volonté et une capacité. Ils disent, non, l'être humain, il est complètement soumis et c'est comme s'il est une plume dans le vent, comme on avait expliqué ça la dernière fois. Donc quand les qadariyas entendent qu'on affirme que yani, l'être humain est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on affirme que rien ne peut être fait excepté par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala il a le contrôle sur toutes choses, eux ils prennent ça et ils disent « Ah vous êtes des mujabbira parce que vous affirmez que Allah subhanahu wa ta'ala a une capacité absolue et une volonté absolue sur toute chose. » Donc ils essaient de nous appeler par l'opposé de la réalité de cette caractéristique-là. Puis en mentionnant les autres exemples, vous allez comprendre aussi pourquoi ils nous appellent comme ça. C'est-à-dire que, comme par exemple il dit, les Jahmiyyah, ils appellent Ahl-Sunnah Mushabbiha. ok? Parce que nous on affirme les noms et les attributs d'Allah. Donc puisqu'on affirme les noms et les attributs d'Allah, puisqu'on affirme les noms et les attributs d'Allah, eux ils disent bon, si vous les affirmez, ça veut dire que vous faites le tashbih. Hein? Donc eux ils voudraient qu'on fasse comme eux, c'est-à-dire nier les noms et les attributs d'Allah. Donc si vous parlez par exemple avec des ahbash, comment ils appellent les gens qui suivent Ahlus Sunnah wal Jama'a? Ils appellent des mushabbiha. Ils appellent quoi? Ils appellent des anthropomorphistes. Ils disent toujours vous êtes des anthropomorphistes, vous êtes des mushabbiha. Parce que ça c'est la caractéristique des Jahmiya. Pour les reconnaître, tu les reconnais de cette façon. Ils traitent les gens qui suivent la Sunna d'anthropomorphistes ou bien de mushabbiha. Hein? Le Sayyid Rafida, c'est quoi? C'est qu'ils appellent les gens d'Ahlul Athar, Ahlul Hadith, ils les traitent de Nasiba, ou bien de Nabika, comme le Cheikh dit. C'est-à-dire que quand ils voient les gens d'Ahlul Sunnah, ils disent, ah, vous êtes parmi les gens qui ne respectent pas Ahlul Bayt, et vous n'aimez pas Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce que on aime toutes les Sahaba et on supporte les Sahaba et on dit que Abu Bakr, Omar et Othman sont les trois premiers Khulafa, hein, et qu'on met Ali ibn Abi Talib en dernier. Donc eux ils considèrent que à cause de ça on n'a pas manqué, on n'a pas respecté Ahlul Bayt et qu'on n'a pas aimé Ahlul Bayt. Donc ça c'est des exemples comment tu reconnais les gens bid'ah, tu vois par rapport à leur façon de comment ils les traitent, par quel nom ils les appellent. Là tu peux savoir après par la suite c'est quoi leur position à eux. Parce que souvent c'est comme ça, quand tu vas parler à quelqu'un, tu veux savoir sa position. Hein, il va, si tu entends que la personne te parle, tu lui dis, tu lui parles par exemple du fait que le tawhid est divisé en trois et que c'est tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, et tu lui parles du shirk, hein, et tu lui dis que le shirk c'est la chose qui fait rendre quelqu'un éternellement en enfer, et que tu lui expliques que d'invoquer les morts et de prier les morts et de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shirk et tout ça. Alors là, tu les vois qu'ils te disent quoi? Un tawahabi. Hein? C'est ça qu'ils disent, c'est un tawahabi. Donc, ça veut dire, c'est comme ça que tu vas reconnaître les gens de bid'a. Si tu vois quelqu'un qui te traite de wahabi, tout de suite, tu sais que c'est un mubtadi'. Hein? Parce que ça veut dire que pour lui, le shirk, les qubur et toutes ces affaires-là, et, yani, ta'wil al-sifat et toutes ces affaires-là, pour lui, ça c'est une bid'a. Et ça c'est, pour lui, de faire tout ça, c'est permis, je veux dire, pardon, je veux dire. Pour lui, c'est accepté, c'est bien. Et pour d'interdire ça, c'est une bid'a. D'interdire les gens de faire le shirk, d'interdire aux gens de faire des bid'a, ça c'est quelque chose qui est bid'a ou qui c'est mauvais pour lui. Mais c'est, pour eux, le shirk, tu vois, c'est comme le shirk fi al-rububiyya. Ça se limite au shirk fi al-rububiyya. Comme par exemple, de dire que Dieu a un fils, ça c'est pour eux, c'est shirk. Ou bien par exemple, yani, ils disent que les wahhabis font du shirk parce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs. Parce qu'on affirme des attributs, ils disent qu'on fait le tashbih et que ça c'est shirk, ou que ça c'est kufr, des choses comme ça. Donc pour eux, le shirk ça se limite au shirk al-rububiyya, hein, que tu dis qu'il y a un autre Dieu avec Allah, qu'il y a un autre créateur ou des trucs comme ça. Donc pour eux ça se limite à ça. En ce qui concerne de faire le shirk, c'est-à-dire d'invoquer des morts, de prier des morts, de faire le pavard autour de sa tombe, de sacrifier des animaux pour eux, et de faire des vœux pour eux, tout ça, ça pour eux ça n'a rien à voir avec le shirk. Pour eux ça c'est même, bon, même s'ils disent par exemple, certains vont dire bon, non, c'est pas bon de faire ça, c'est un péché, mais ils vont jamais dire que c'est shirk. Donc c'est pour ça que ces gens-là considèrent que Ahlus Sunnah al-Jama'a, ils disent que ce soit des wahhabiyya, des khawarij ou des trucs comme ça. Parce que pour eux, le shirk, c'est un péché, c'est pas shirk. D'accord? Donc ils considèrent que nous, on déclare les musulmans kuffars parce que on les déclare kuffars parce qu'ils font des péchés. Et que le shirk, c'est pas shirk, mais c'est juste une ma'siya ordinaire, comme les autres péchés. Donc c'est ça qui fait qu'ils mélangent la vérité et le faux. Donc c'est la même chose pour les qadariyya, ceux qui nient Al-Qadar, il considère que celui qui affirme Al-Qadar, que c'est un Mujbira, hein, Mujabbira. Celui qui nie les attributs d'Allah, il considère que celui qui les affirme, il est un Mushabbih, même s'il n'est pas Mushabbih. Et celui qui aime, qui adore Ahlul Bayt et qui les prend comme des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui les invoque quand il a des malheurs, hein, il demande l'aide, ya Fatima, ya Hassan, ya Hussein, arrive-na, hein, il demande leur aide et tout. Eh ben, ceux qui font ça, quand ils voient un musulman qui demande juste à Allah, qui ne veut pas demander Ahlul Bayt, ou qui dit pas que, par exemple, ils ont le contrôle sur tous les atomes de l'univers, ou bien qu'ils savent l'invisible et qu'ils décident eux-mêmes de leur mort, si tu dis pas ça à propos de leurs imams, ah, tu n'as pas de respect pour Ahlul Bayt. Donc, ça c'est l'exemple, hein. C'est comme ça que tu les reconnais. Et aujourd'hui, tu peux les reconnaître tout de suite, de différentes façons comme ça. Ensuite, وقال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبية لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. Le Cheikh Abu Othman il dit que toutes ces choses là en fait c'est al-asabiyya, c'est-à-dire c'est yani asabiyya, comme on pourrait dire. كل ذلك عصبية. En fait, c'est une sorte de gens qui essaient de se retourner vers un principe ou vers une chose qui n'est pas basée sur la vérité. Et il dit que toutes ces appellations qu'il donne à Ahlus Sunnah, ça ne les touche pas. C'est-à-dire, quand il nous appelle Mushabbiha, quand il nous appelle Hashwiya, quand il nous appelle Nasiba, quand il nous appelle Mujabbira ou d'autres noms comme ça, aucun de ces appellations-là ne nous touche. On est innocent de ces accusations-là et de ces noms-là. Pourquoi? Parce que le seul nom qui nous convient ou qui nous revient réellement, c'est Ahlul Hadith. Parce que dans toutes nos positions qu'on a défendues, on a suivi le Hadith. Et eux, ils ont contredit le Hadith. Alors, c'est pour ça qu'ils nous opposent. Hein? On n'a pas, ils nous opposent pas parce que on a inventé une bid'a contraire à leur bid'a. Ils nous opposent parce qu'on a pris ce qui est écrit dans le hadith et qu'on l'a appliqué et qu'on l'a suivi et qu'on y a cru. Après, il dit, وقال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا. C'est comme aujourd'hui par exemple. Hein? Tu vois par exemple les gens de takfir. Les gens qui font le takfir des hukam, des dirigeants et tout ça. Hein? Et qui appellent à des attentats terroristes ou des trucs comme ça. Quand ils voient les salafis, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vous êtes des murji'a. Hein? Ou bien vous êtes des agents pour le gouvernement, ou bien vous êtes décidé ça. C'est la même attitude qu'ils avaient envers les gens de Ahlul Hadith. À l'époque, ils utilisent la même méthode aujourd'hui. Ah, Cheikh Al-Azhar, c'est un murji. Lui, c'est un murji. Hein? Ils accusent les gens d'être des murji'a. Ils nous accusent d'être des murji'a. Parce que eux sont des khawarij. Parce qu'on dit que celui qui fait des kaba'ir, il ne sort pas de l'iman. Hein, parce qu'il a fait une kabira. Hein. Donc eux, ils veulent qu'on déclare tous les musulmans qui font des grands péchés. Ils veulent qu'on les déclare kuffar comme eux. Donc ça, c'est un exemple encore de qu'est-ce que je parlais de tout à l'heure. Donc le chef de waqal, Abu Uthman, qultu ana. رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا ومختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Le Cheikh Abu Othman Sabouni, il dit, moi je dis, regardez les gens de Bid'a, dans ces noms et dans ces surnoms qu'ils ont donnés aux gens de la Sunna. Rien de ces surnoms-là ne les touche, hein, et ne les atteint. par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa faveur. Et donc, il dit que les gens d'Ahl Sunnah, ils sont innocents de ces noms-là et de ces accusations-là. Et il dit que les gens de Bid'a ont suivi la même voie que les mouchriquins, les mouchriquins avaient suivi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les mouchriquins avaient traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toutes sortes de noms, comme ils l'ont appelé sahir, ils ont dit c'est un sorcier, un magicien. Ils ont dit qu'il était kahin, que c'était comme un voyant, un médium. Ils ont essayé de le traiter de poète, ils l'ont traité de fou, ils l'ont appelé maftoun, ils ont dit qu'il était une personne qui avait une fitna. Ils l'ont appelé un fabricant, comme quelqu'un qui fabrique un mensonge, un imposteur, quelqu'un qui ment. Ils l'ont traité de toutes sortes de noms. Et malgré tout ça, aucun de ces noms et aucune de ces accusations-là ne le touchait parce qu'il était innocent de toutes ces fausses accusations-là. Et il n'était qu'un messager d'Allah, choisi par Allah et un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne le verset 9 dans Surat al-Furqan qui dit, regarde comment il frappe des, ou comment il lance des exemples, des accusations, yani. Et donc ils se sont égarés, ils ne peuvent plus retrouver le droit chemin par la suite. Et ensuite le cheikh il continue, il dit, وَكَذَلِكَ الْمُبْتَدِعَةَ خذلهم الله اقتمسوا او اقتسموا القول في حملة اخباره ونقلة اثاره ورواة احاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة ذكية نقية وليسوا إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه وسنة ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. Donc pour terminer ce point, comme le cheikh il a comparé maintenant l'exemple des mouchriquins avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il ramène ça à l'exemple des salaf salih et des ulama de hadith. Il dit regardez comment les mubtadi'a, que Allah les humilie, yani, regardez comment ils ont ramené les paroles qu'ils ont dit à propos des gens qui ont transporté la sunna et les hadiths et qui ont rapporté les hadiths, regardez comment ils les ont accusés de toutes sortes de noms. Alors que ce sont eux qui suivent le hadith et qui se basent sur le hadith, qui sont guidés par la sunna, hein, qui sont connus par le terme de Ahlul Hadith ou Ashab al Hadith, et bien ces gens-là, parmi les gens de Bid'a, ils les ont traités de Hashwiyya et de Mushabbiha, et d'autres les ont appelés Nabita, et d'autres les ont appelés Nasiba, et d'autres les ont appelés Jabriya. Mais les gens de Hadith sont tous innocents et protégés contre ces fausses accusations. Ils sont purifiés et propres de toutes ces faussetés et de toutes ces mensonges. Et ils ne sont que Ahlus Sunnah, hein, les gens qui suivent la Sunnah et qui suivent l'exemple, le bon exemple, l'exemple qui a été agréé et la voie qui est droite et les preuves qui sont fortes et qui sont convaincantes. Et le cheikh il dit que Allah a donné le succès aux gens qui suivent le Coran et la révélation et qui suivent son discours, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et poursuivent également les plus proches parmi ses alliés, et de suivre l'exemple de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ses informations et ses narrations qui ont été rapportées à ce sujet, et dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa umma le bien parmi les paroles et les actions, et leur a interdit les mauvaises choses, les mauvaises paroles, et les a aidés à s'accrocher à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à être guidés par le fait de s'accrocher et de suivre sa sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait des gens de la sunna, des gens qui suivent les plus proches parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi eux on sait qu'il y a bien entendu les sahaba et ceux qui les ont suivis, et il a ouvert leur cœur, il a mis dans leur cœur l'amour pour la sunna et l'amour pour les imams de la sharia et les ulama de la umma. Donc ils aiment les ulama, ils aiment les gens qui appellent à la sharia, etc. Et donc le cheikh il dit نعم ومن أحب قوما celui qui a aimé un peuple, alors au jugement dernier il sera avec eux. Si tu as aimé des gens, au jugement dernier tu vas être ressuscité avec eux au jugement dernier. Donc c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, c'est un hadith sahih, et ce hadith là il dit quoi? Il dit celui qui a aimé des gens, avec eux, tu seras avec ceux que tu as aimés. Al-mar'u ma'a man ahab. Non, al-mar'u ma'a man ahab. Donc, ça c'est le sujet de ce chapitre 8. Oui, c'est ça. Il dit هذا الأثر أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. في الاستشهاد للإمام أحمد يقول ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وجميعهم من طريق شيخ المصنف به وذكره الذهبي في السير. mais il mentionne pas le degré de cet أثر. qu'est-ce qui est écrit dans celui-là? ils disent qu'elle est ضعيف. non, ok. Non, donc dans ce cas-là, il s'est mentionné que l'isnad de la citation à propos de l'imam Ahmed tout à l'heure, qui dit que l'homme a dit qu'il a dit zindiqun à propos de celui qui a accusé ou qui a traité des gens de hadith d'être comme étant des gens mauvais. Donc le frère il mentionne que les cheikhs ont dit qu'il est daïf. Ouais, l'isnad est daïf. Toutefois la citation, il n'y a pas de doute que ça fait partie de leurs signes, de leurs caractéristiques des gens de bid'a qui détestent les gens de hadith, d'accord? Et encore aujourd'hui même, il y a des gens, quand ils sont sur une bid'a, s'ils entendent le nom des ulama, comme si tu leur parles et tu leur mentionnes les noms comme des shuyukh, comme Ibn Baz, Al-Albani, ou bien Cheikh Ibn Uthaymeen, ou les ulama, ils disent, je veux pas entendre parler de ces ulama. Ils te disent ça, ça c'est les ulama de l'Arabie Saoudite, on ne veut rien faire de cela. Donc, c'est comme une façon de rejeter les ulama. Même Al-Albani, c'est pas un cheikh de l'Arabie Saoudite, mais pourtant il l'accepte pas. Ça prouve que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit de l'Arabie Saoudite, et à la base même. Si quelqu'un dit le haq, il faut l'accepter de peu importe quel pays il vient, si c'est un imam parmi les imams de l'islam. Et que tu entends qu'il dit la vérité, tu dois l'accepter. Mais le problème, c'est que c'est des ulama qui ont suivi les principes et les bases et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'est uniquement pour ça qu'ils les détestent. Et pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Cheikh Muqbil, exactement. Cheikh Muqbil, c'est un des ulama du Yémen. et quand ils ont, ils le détestaient. Yani. Non, exactement, exactement. Ils ne veulent pas savoir la vérité, et ils savent que quand tu lis un livre de Cheikh Ibn Baz, ou de Cheikh Al-Albani, ou de Cheikh Ibn Uthaymeen, ou des autres ulama d'Ahl-Sunnah, hein, comme Cheikh Rabi', ou bien Cheikh Muqbil, ou bien d'autres parmi les grands ulama, ils mentionnent uniquement les preuves du Coran et de la Sunnah, et des paroles des salaf salih. Et c'est ça la force de leur livre, et la force de leurs paroles. C'est pas parce que eux-mêmes sont forts par ils ont des ils sont physiquement forts ou bien qu'ils ont une force. La force qu'ils ont, c'est leur ilm, par leur ilm qu'ils transmettent et la connaissance qu'ils ont du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf de cette umma. Et c'est ça ce qui leur donne la force. Et c'est pour ça que ces gens-là les détestent. Qu'est-ce qu'il dit encore? Maintenant le cheikh il dit alamatu ahli sunna. Là, il y a les caractéristiques des gens de la Sunna. Ok? Le Cheikh, il dit, ou les signes, comment reconnaître les gens qui sont de Ahl Sunna? Le Cheikh, il dit, wa ihda alamatu Ahl Sunna, hubbuhum li a'immati Sunna, wa ulama'iha, wa ansariha, wa awliya'iha, wa buhdihim li a'immati al-bid'a illazina yad'una ila al-nar, wa yadulluna ashabahum ala dar al-bawar, وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. Donc, comme on a mentionné tout à l'heure que parmi les signes des gens de bid'a, il y a le fait qu'ils détestent les ulama du hadith et les ulama de la Sunna, et ben, pour les signes des gens qui sont sur la Sunna, et ben, c'est la même chose en fait, mais c'est l'opposé, c'est le contraire. Si tu veux reconnaître les gens qui sont sur la Sunna, eh bien tu vas voir que eux, ils aiment les imams de la Sunna et les imams de Ahl Sunna et ils aiment les ulama et les gens qui supportent leur da'wa et qui supportent ces ulama là et leur ilm qu'ils portent et ils détestent les gens de bid'a et les imams d'Ahl al-Bid'a et les gens qui appellent au feu de l'enfer ou qui appellent les autres à suivre et les amener à Dar al-Bawar, l'enfer. Donc, le Cheikh il dit que les gens de Ahl Sunna, ceux qui sont sur la Sunna, Allah a embelli dans leur cœur Ahl Sunna. Il les a fait aimer Ahl Sunna. Ahl Sunna, Allah a embelli leur cœur et il leur a fait aimer la Sunna et les gens qui aiment la Sunna et il les a fait aimer les ulama de la Sunna. Et ça, c'est une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une personne. Après le Cheikh il mentionne un exemple, une citation, il dit « Akhbarana al-Hakim, Abu Abdullah al-Hafiz, Askanahu Allah wa Iyana al-Jannah, Haddathana Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki, Haddathana Ahmad ibn Salama, Qala qara'a alayna Abu Raja, Qutaybat ibn Sa'id kitab al-Iman lahu, فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة وقد قال أحمد بن سلمة رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية فلما انتهيت أو فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى فقلنا يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. Donc le Cheikh il dit que l'imam al-Hakim ibn Abu Abdullah il a dit que Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki a dit que Ahmad ibn Salama a dit que Abu Raja, Qutaybah ibn Sa'id, nous a lu le livre Al-Iman qu'il a écrit. Et à la fin, il a dit, si tu vois qu'un homme aime Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Shu'ba, Ibn al-Mubarak, Abu al-Ahwas, Shariq, Waqi', Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi, sache qu'il est un homme qui est sur la Sunna. Sache que c'est un homme qui est sur la Sunna. Parce que ces imams-là, c'est des imams de la Sunna, et personne ne peut les détester excepté un Mubtadi'a. Parce que c'est des gens qui réfutent le Mubtadi'a, et qui détestent le Bid'a, et qui aiment la Sunna, et qui défendent le Hadith, et qui aiment le Hadith, et qui portent le Hadith, et qui enseignent le Hadith. Donc, c'est des imams de l'Islam, et des imams dans la Sunna, alors, personne ne les déteste, excepté si c'est un Mubtadi'a. Donc, c'était comme ça que les gens distinguaient entre les gens qui sont sur la Sunna et les gens qui sont sur la Bid'a. Par leur affiliation et par les gens qu'ils aimaient et par les gens qu'ils détestaient. Après, le chef, il dit, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et Ahmad ibn Salama, rahimahullah, il a dit, et moi, avec mon écriture, j'ai rajouté en dessous de cette liste d'autres noms. Il a mentionné par exemple Yahya ibn Yahya et Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad, et Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahouya. Alors lorsqu'il a fini à cet endroit-là, les gens de Naysabour les ont regardés et ils ont dit, ces gens-là, ils détestent Yahya ibn Yahya. Alors on leur a dit, Ya Abu Raja, est-ce que tu sais qui est Yahya ibn Yahya? C'est un homme pieux et un imam pour les musulmans. Et il a dit, et Ishaq ibn Ibrahim est un imam. Et Ahmad ibn Hanbal, pour moi, est plus grand que tous les autres que j'ai mentionnés. C'est-à-dire, il est plus important que tous les autres que j'ai mentionnés parmi les autres imams. Donc, c'est des imams dans l'islam. Et quiconque les déteste, cela, alors ça veut dire qu'il a un problème, qu'il est sur une bid'a quelconque. Parce que personne ne peut détester ces hommes-là, sauf si il déteste la sunna et qu'il est sur une bid'a. Ok? Après, il donne un autre exemple. وَأَنَا أَلْحَقْتُ بِهَاُلَا الَّذِينَ ذَكَرَ قُتَيْبَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ أَحَبَّهُمْ فَأَنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَهُوَ صَاحِبُ السُنَّةِ من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم وشيعهم أو وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم وآثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد البصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفتوي وجدي ووجدي وجدي من قبل أبي سعيد يحيى ابن منصور الزاهد الهروي وأبو حاتم عدي ابن حمدوية السابوني ووالديه وسيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها ولينا عليها. الشيخ الداني لونج ليست دو نو دو parmi les imams de أهل السنة puisque je les ai lu en arabe. Je n'ai pas besoin de les répéter encore une fois en français, puisque ça va être encore la même prononciation, de toute façon ça revient au même, mais c'est juste pour faire comprendre que le cheikh, il a rajouté à la liste de ceux qu'on a mentionné tout à l'heure, Abu Usman, il a dit, et moi je rajoute d'autres noms parmi les noms qui ont été mentionnés auparavant, et je rajoute que celui qui les aime, c'est une personne qui est sur la sunna, parmi les imams d'Ahlul Hadith, et ceux qu'on suit et ceux qu'on prend comme exemple pour être guidés, il dit que ceux-là, ils sont eux aussi des imams dans la sunna. Et il dit que il faut également les aimer et que celui qui ne les aime pas, c'est comme s'il est lui aussi parmi les gens de Bid'a parce qu'il nous a détestés. Et il a mentionné, wa alaykum salam wa rahmatullah, il a mentionné des imams parmi les imams d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ok? Et les noms qu'il a mentionnés ici, c'est pas tous les imams d'Ahlus Sunnah, mais disons, parmi les plus importants, il a mentionné beaucoup. Toutefois, il y en a encore beaucoup plus que ça. Tous ces imams-là sont des imams dans la Sunnah. Et sur une même aqidah. Et sur les mêmes bases, et sur les mêmes fondements. Dans la compréhension de l'islam. Et ça, c'est tous des imams parmi les imams des salaf salih. Donc, il a mentionné beaucoup d'entre eux, comme l'imam Shafi'i, Soufiane ibn Uyayna, Al-Thawri, Al-Awza'i, et beaucoup d'autres, comme ceux que j'ai mentionnés, l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abi Daoud. Tous ceux-là, c'était tous déjà sur la même aqidah, toute la même base dans la sunna. La même aqidah, les mêmes principes, les mêmes fondements. Donc, le cheikh dit ensuite, « وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمع عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها. Subhanallah. Donc, Cheikh il dit que tout ce que j'ai mentionné dans cette aqidah, dans ce livre, aqidah al-salaf wa ashab al-hadith, tout ce que j'ai mentionné de aqidah dans ce sujet, au sujet des asma wa sifat, au sujet de ce que j'ai mentionné par exemple sur les autres aspects de l'aqidah dans ce livre, tous ces imams que j'ai mentionnés là, ils étaient tous sur cette aqidah là. Aucun d'entre eux n'a contredit quoi que ce soit de ce que j'ai écrit dans ce livre. Et ils étaient tous réunis sur cette aqidah-là. Et il faut tous les aimer, et Yanni le Cheikh il dit, tu ne vas pas être capable d'affirmer qu'aucun d'entre eux est venu avec quoi que ce soit qui oppose cette aqidah. Et il dit, وَاتَّفَقُوا مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِقَهْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِذْلَالِهِمْ وَإِخْزَائِهِمْ وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. الشيخ الذكر tous ces imams, ils étaient tous d'accord sur le point que, ou sur la parole que, il faut avoir le dessus sur les gens de la bid'a et qu'il faut les humilier et les éloigner de nous et les repousser et s'éloigner d'eux et ne pas les prendre comme compagnons et de pas rester avec eux et il faut faire ça dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu t'éloignes des gens de bid'a et quand tu les repousses et quand tu les rejettes, tout ça tu fais ça dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu t'éloignes d'eux et que tu les que tu coupes tes liens avec eux et que tu leur fais al-hajr, c'est-à-dire tu t'éloignes d'eux, tu ne te rapproches pas d'eux, tout ça, ça fait partie de l'exemple que suivaient tous ces imams-là qu'on vient de mentionner dans ces exemples. Wa qala al-ustaz al-imam, wa qala al-imam al-ustaz rahimahullah, c'est-à-dire Abu Usman, il a dit quoi? Il a dit وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يتشغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت فلو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. لشيخ ذي Et moi, l'imam Abu Usman As-Sabuni, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa faveur, je suis l'exemple et les traces de ceux que j'ai mentionnés. C'est-à-dire les traces de ces imams, parmi les imams des salafs que j'ai mentionnés, et je m'éclaire par leur lumière. Et je donne la nasiha à mes frères et à mes compagnons de ne pas glisser et de ne pas tomber, de ne pas s'éloigner de leur phare, parce que c'est des imams, en fait ces imams ils sont comme des phares, vous savez les phares au bord de la mer, ils éclairent les bateaux pour que les bateaux sachent, pour pas qu'ils foncent dans les roches ou les trucs, pour qu'ils prennent le bon chemin, et bien ces imams, parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont comparables à des phares qui éclairent le chemin du musulman. Et donc les cheikhs ils disent de ne pas s'éloigner de leur phare et qu'ils ne suivent pas autre que leur exemple et leur parole et qu'ils ne se laissent pas distraire par toutes les innovations et les bid'ahs qui sont répandues et qui sont devenues populaires parmi les musulmans, parmi les mauvaises choses qui ont été répandues parmi les musulmans et qui sont apparentes maintenant, qui sont répandues partout, Et le cheikh il dit que si une d'entre ces bid'ahs était sortie de la bouche d'une personne à l'époque d'un de ces imams, c'est-à-dire si quelqu'un à l'époque de ces imams avait prononcé ou fait sortir ou pratiqué une d'entre ces bid'ahs qui sont répandues à l'époque d'Abu Uthman, il a dit les imams en question qu'on a mentionnés auraient fait al-hajr, c'est-à-dire ils auraient boycotté, ils auraient complètement coupé, et ils auraient déclaré comme étant des mubtadi'ah, et ils les auraient démenti, et ils les auraient frappés de par tous les exemples de mauvais traitements, etc., parce qu'ils ont amené une bid'ah et qu'ils ont fait des choses qui sont opposées à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un exemple de la citation de l'imam Abu Uthman qui donne cette nasiha aux gens de suivre la sunna et de ne pas suivre les bid'a qui ont été ramenés par la suite. Il dit وَلَا يَغُرَّنَّ إِخْوَانِي حَفِظَهُمُ اللَّهِ كَسْرَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَوُفُورِ عَدَدِهِمْ فَإِنَّ وُفُورَ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَقِلَّةُ عَدَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ عَلَامَاتِ اقْتِرَابِ الْيَوْمِ الْحَقِّ إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. الشيخ الزي et ne vous laissez pas tromper, que mes frères ne se laissent pas tromper que Allah les préserve par le grand nombre des gens de bid'a et le fait qu'ils sont très répandus et en grand nombre et le fait que les gens qui sont sur la sunna sont très peu nombreux, hein, parce qu'il dit que le fait que les gens qui sont sur la vérité sont peu nombreux, ça c'est un des signes que la fin des temps est proche et qu'on est proche de, du jour dernier, du jour de vérité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même dit ça dans un hadith authentique dans lequel il a dit que parmi les signes de l'heure, hein, et que l'heure est proche, c'est que le ilm va être peu et que l'ignorance va être beaucoup. Donc ça, ça fait partie des exemples. Et ça a été rapporté dans Al-Bukhari, le Muslim et dans beaucoup d'autres hadiths. Le Cheikh il dit « وَالْعِلْمُ هُوَ السُّنَّةُ وَالْجَهْلُ هُوَ الْبِدْعَةُ » Et la science, c'est la sunnah et l'ignorance, c'est la bid'a. Donc il explique ce hadith en expliquant que dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura peu de ilm, il dit, ça veut dire qu'il y aura peu de sunnah, et quand il dit qu'il y aura beaucoup de jahl, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de bid'a. C'est comme ça qu'il a expliqué ce hadith. Et après, il dit encore, وقال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى حجر جحرها. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la foi elle va retourner à Médine, à Médine, comme le serpent retourne dans son trou. Ça c'est un des signes aussi de la fin des temps, c'est que déjà la foi va retourner à Médine. L'imam, hein, elle retourne à Médine. Et on voit aujourd'hui que il y en a qui ont expliqué, il y en a, j'ai entendu des fois quand j'étais à Médine, on étudiait là-bas, et il y en a des gens qui disaient comme peut-être que ça c'est un des signes, comme par exemple qu'il y a l'université islamique là-bas, puis que les élèves commencent à retourner pour étudier l'islam là-bas, puis que yani, vous expliquez ça comme ça, yani, Allahu A'lam, si c'est vraiment une explication valable, mais quand même, ça montrait que ça pouvait être une des explications, yani, Wallahu A'lam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, la taqum sa'at al-ard ahadun yaqulu la ilaha illallah. La taqum sa'at hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, wa fi riwayatin la ilaha illallah. نعم وفي لفظ آخر لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ديفرنا عاصر من حديث كي dit que l'heure du jugement ne sera pas établie ou ne viendra pas tant que il y aura pas quelqu'un sur la terre qui dit Allah Allah. Donc ça veut dire que quand l'heure du jugement va arriver, il y aura même pas une personne qui va prononcer le nom d'Allah. Et il y a un autre hadith qui dit لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس. L'heure du jugement ne sera pas établie excepté sur les pires parmi les créatures. Ok, donc on va s'arrêter maintenant, hein, puis on continuera inchallah après. On a presque fini, il reste deux pages seulement, même pas. Donc on va conclure le prochain dans, ce sera la fin inchallah du livre bismillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.